Debout les morts, de Fred Vargas. Adaptation, Claire Leluerne. Deuxième épisode. Une nuit, un arbre apparaît mystérieusement dans le jardin de Sofia Simeonidis. Pour la cantatrice à la retraite, l'apparition de ce être n'est pas anodine. Est-ce lié à son concert anniversaire qui se prépare ? Ou à l'arrivée dans la maison voisine de Marc, Mathias et Lucien, les trois nouveaux voisins, historiens aussi fantasques que marginaux ? Ou encore à cette étrange carte postale qui réveille chez Sofia des souvenirs profondément enfouis ? Et puisque son mari, Pierre, s'en moque comme de l'an 40, quoi de plus naturel que de demander aux trois jeunes historiens de creuser sous l'arbre ? Et qui sait ce qu'ils vont pouvoir déterrer ? Hé, hey, fais gaffe avec ta pelle, Marc. T'as failli m'éborgner. Excuse-moi, y a pas de place dans ce trou. Ouais, bah si tu veux creuser une piscine, te gêne pas, Marc. Les ouvriers de la ville, je t'en foutrais, moi. On ressemble plus à des fossoyeurs détraqués. Ah, qu'est-ce que je peux avoir faim ? On n'en parle pas, et le resto d'en face qui nous envoie ces effluves de blanquettes. Ça s'appelle le tonneau. C'est notre autre voisine qui le tient, il paraît que c'est très bon d'ailleurs. C'est la factrice qui me l'a dit. Françoise ? Hé, hey, arrêtez. J'ai trouvé un truc. On dirait un morceau de céramique. Montre. Ça ressemble à une pipe, non ? Ouais, je confirme. Le bout plein de terre, là, c'est un fourneau à tabac. À mon avis, ça date de l'époque de la maison. Je dirais fin 18e. C'est bien, Marc. Tu n'as pas volé ton salaire aux sciences humaines pendant toutes ces années. Ah, c'est malin. Bon, en tout cas, si on a atteint une profondeur de terre qui date de la maison, ça ne nous intéresse plus à partir de là, on est bien d'accord. On rebouche. Mais ça fait quoi ? 70 cm, c'est tout ? C'est pas profond ? Ouais, mais regarde le niveau, là, bien noir. Ça se voit que la terre est intacte. Lucien a raison, on est au fond du remblai. Ouais, heureusement pour nous, le planteur mystérieux ne s'est pas foulé. Allez, on rebouche. Je suis en train de m'auto-digérer. Hein ? Bonjour messieurs, police nationale. Vous avez un permis de creuser, là ? Je peux voir vos autorisations ? C'est-à-dire que... Insigne. Ah, très malin. Ça m'étonnerait que tu aies eu le droit de garder ton insigne. Pas de panique, les gars. Je vous présente Armand Van Dossler, mon vieil oncle parrain. Son oncle parrain qui n'est pas vieux du tout. Ah, c'est lui le fameux tontoncle. Je vois que l'humour est de famille. Eh ben, vous en avez, les cartons. Vous, vous êtes celui qui écrit un livre. Jules, c'est ça ? Lucien, j'écris un essai sur la Grande Guerre. Enfin, j'essaie. Il y a peu d'archives et beaucoup de travaux à faire ici. Et alors, vous, vous êtes le chasseur-cueilleur. Vous êtes bien renseigné ? Ouf ! Voilà, c'était le dernier carton. Méfiez-vous de lui, les gars. C'est un ancien flic qui n'a pas perdu ses mauvaises manières. Tout ce que vous direz sera retenu contre vous. L'ingratitude des neveux est un fléau consternant. Bon, allez, cassons la croûte. Pendant que vous défiguriez le jardin de votre voisine à coups de pelle, j'ai fait un pâté. Un pâté ? De lièvre, bien sec. Toi, tu as fait un pâté ? Je l'ai piqué ce matin sur le marché, ça revient au même. Et puis comme ça, ça va vous retaper. Il a piqué un lapin ? Un lièvre, je crois. Tonton, t'as piqué un lapin ? Au Van Dossler, pourquoi t'as piqué un lapin ? Un lièvre ! Parce que j'en voulais un et que c'était trop cher. Tu remarqueras que je ne vous demande pas de détails sur la façon dont vous pratiquez l'archéologie en cachette chez vos voisins. Alors, tu seras gentil de m'épargner tes réflexions. Je vois. Il retient aussi des trucs qui ne sont pas contre nous. C'est bien. Alors, vous le trouvez comment, mon pâté ? Van Dossler, c'est quoi comme nom ? Belge. Mon père s'est installé en France en 1915. Ah, et il a été sur le front ? Il n'aurait pas laissé des notes, par hasard ? Des lettres, un journal ? Non. Vous êtes sûr ? Vous pourriez creuser la question ? On a assez creusé pour aujourd'hui, c'est bon. Et alors, donc, vous étiez flic ? Vous bossiez dans quel service ? J'étais aux mœurs. Ah bon ? Enfin, pourtant, je croyais que vous étiez au stup. Et comment tu saurais ça, toi ? Quelques menues observations quand je montais les cartons à mon ex-futur étage. Non, mais je rêve. C'est bon, Marc. De toute façon, il vaut mieux dire les choses comme elles sont. Oui, ben, c'est pas le moment. Avec toi, ça ne sera jamais le moment. Et puis, après tout, on n'est pas historien si on ne sait pas fouiner. On peut pas en vouloir à Lucien. Bon, on peut parler d'autre chose, là ? Ce soir, nous sommes invités à une fête de bienvenue au tonneau. Une fête de bienvenue ? De qui ? De moi. Hein ? Mais tu rigoles ? T'es là depuis 2 heures et nous depuis 1 mois. Preuve que je vous suis supérieur en efficacité. C'est votre voisine qui m'a invité. Elle s'appelle Juliette Gosselin. Elle tient un restaurant qui, paraît-il, est très bon. Elle vit avec son frère Georges et elle a l'air d'être une quadragénaire festive. Ah, vous parlez du front Est. C'est vrai qu'elle a la quarantaine charmante. Alors j'ai dit qu'on viendrait tous les quatre. Décidément, il y a vraiment un truc de famille. Bonsoir. Ah, les voilà enfin, les nouveaux mystérieux et séduisants voisins qui font l'expérience de la baraque pourrie. Bonsoir, messieurs. Bonsoir. Bienvenue au tonneau. Servez-vous, sentez-vous à l'aise, c'est moi qui régale. Je reviens tout de suite. Le délice inénarrable des cacahuètes à l'urine et du vin empiché. Je vous sers ? Merci Lucien, mais pas trop. Ton oncle ? Avec plaisir. Le meilleur vin est celui qui est gratuit, c'est ce que je dis toujours. Tiens, Sophia est là. On va pouvoir lui dire qu'il n'y a rien sous son arbre et qu'on va reboucher demain. Enfin, faut quand même faire gaffe. Si le mari est aussi dans le coin et qu'il nous reconnaît, on est mal. T'as raison. Qu'est-ce qu'ils font là, les Simeonidis ? Juliette et Sophia sont très amis. Les gens arrivent à ne pas deviner que vous êtes flic. Oui, mais souvent c'est trop tard. Bon, je vous laisse, je pars en reconnaissance. Soyez sage, hein. En reconnaissance de Juliette, ouais. C'est la scène de la vie. Georges, tu peux venir ? J'arrive. Il n'y en a qu'un à moi, parmi les trois. Pardon ? Le grand dallet qui brille, là, tout en noir, argent et doré. C'est le mien, c'est mon neveu. Ah ! Oui, dis-moi Juliette, qu'est-ce que tu veux que je fasse ? Ah, Georges, on va lancer le dessert. Tiens, prends le plateau, récupère les verres sales et remets des verres propres. Mince, pardon, excuse-moi. Mais... Vas-y, vas-y, je m'en occupe. Récupère tout ce que tu peux en salle. Attendez, je vais vous aider. Je suis désolée. Le service est chaotique, mais c'est pas comme ça d'habitude. Hein. Mon serveur m'a planté, c'est mon frère qui le remplace. Georges bosse dans une maison d'édition, il est habitué à d'autres genres de verres, si vous voyez ce que je veux dire. Et vous, qu'est-ce que vous faites dans la vie ? Ouf. Qu'est-ce que vous faisiez, vous voulez dire ? Vous me flattez, mais j'ai 68 ans et je crois les faire. J'étais flic avant. Mais non ! Si. C'est pas possible, c'est vrai. Ouais, 10 ans à la brigade des Jeux et 10 ans au grand banditisme. Mais c'est incroyable, votre histoire ! Il ment. La brigade des Jeux, n'importe quoi. Ah ça, dès qu'il y a une nana dans les parages, la guerre est déclarée, tous les mensonges sont permis. Et alors ? Dis-nous, Marc, il faisait quoi exactement, ton oncle ? Ah, il vous le dira s'il en a envie. Mais arrête, pourquoi vous minaudez, là, comme ça, tous les deux ? Oui, pourquoi vous minaudez, là ? Hein, c'est forcément la crime ou les stupes. Mais je suis sûr que ce n'est pas intéressant. Collusion des fronts en vue. Juliette et Sophia sont toutes seules, c'est le moment de tenter une percée. Certainement pas, Lucien, tu restes ici. Non, Lucien, allez, laisse-le, là. Dis-moi ce qu'il faisait, ton oncle, plutôt. Hein ? Enfin bon, tu sais très bien ce que j'en pense. Je sais, mais t'as raison, mais... Bonjour, mesdemoiselles. Tu as quelqu'un ? Lucien, bonsoir. Votre question concerne laquelle d'entre nous, juste ? Celle qui est seule. Ah, j'ai bien peur d'être mariée. D'accord. Et vous, Juliette, tu es mariée ? Non, on dirait bien que je suis passée à côté, malheureusement. Comment ça se fait ? Ah, ça, j'ai pas encore compris. Ah, mais il faut chercher. Justement, je suis chercheur, moi. En sciences numériques. Bonsoir, Marc. Ne vous en faites pas, j'ai l'habitude de gérer toutes sortes de situations. J'ai même un client qui mange ses chips avec une fourchette, alors vous voyez. Moi aussi, je peux manger mes chips avec une fourchette. J'en doute pas, mon petit Lucien. J'aurais été ravie de vous aider dans vos recherches, mais je suis bien trop vieille pour vous. Mais pas du tout, qu'est-ce que vous racontez ? On fait peut-être un peu ado attardé ? Surtout lui, là, avec cette tenue hippie préhistorique. C'est pas moi qui le dis, c'est votre oncle. Il paraît que j'ai 10 ans de plus que vous. Mais il s'arrête jamais celui-là, il vous a dit ça? Moi, je vous trouve charmant. Bon, les amis, je crois que je vais vous laisser, moi. Oh non, Sophia, pas déjà. Ah, d'ailleurs, tant que j'y pense. Pour le service que vous nous avez demandé, ce sera fini demain. Parfait, merci beaucoup, Marc. Et si on se faisait un petit concert privé, hein? Sophia, qu'est-ce que t'en dis? On passe à côté, je me mets au piano et tu nous chantes quelque chose. Oh, je sais pas. Allez, te fais pas prier. Vous savez que vous êtes en présence de Sophia Simeonidis, la grande soprano? Non, soprano? La reine de la nuit, Manon, Lucia, Somnambule, la Traviata. C'était il y a longtemps, je chante plus tout ça maintenant. Là. Ah bon? Mais pourquoi? Justement, quel dommage. Ce soir c'est l'occasion. Ça te remettra dans le bain avant ton concert. Faut te dérouiller un peu. Allez, Sophia, s'il te plaît. Oh oui, s'il te plaît. Allez, s'il vous plaît. Bon, d'accord, plaisir. Mais alors un seul air. Mesdames et messieurs, pour vous ce soir en exclusivité au tonneau, la grande Simeonidis. Chérie, tu es sûre? Amina? Oh, je suis pas sûre. Allez, à notre idée. D'accord. Tu t'es renseignée sur l'âge de Juliette? Oui. Et aussi sur vous, elle vous trouve très séduisant. Je ne pensais pas que je regretterais aussi vite de t'avoir laissé venir. Bon, c'est pas parce que je suis vieux que je ne peux pas m'amuser par procuration. Juliette est canon quand même, reconnais-le. C'est vrai qu'elle est canon. De toute façon, tu as toujours aimé les blondes. Même si, avoue-le, ça ne t'a pas toujours réussi. Oh, ça suffit, on écoute maintenant. J'aurais bien envie de chanter Traviata pour mon concert anniversaire. Tu penses vraiment que c'est une bonne idée? Je suis pas si sûr. D'abord cette carte, maintenant cet opéra. C'est loin tout ça, je t'assure. Et comment est-ce que tu peux en être si sûr? Sophia, je veux pas revivre ça. Mais dis donc, tu t'inquiètes pour moi? Je ne supporterai pas de te voir à nouveau dans cet état. J'aime quand tu t'inquiètes pour moi. Viens par là, mon cher petit admirateur perdu. Tu te souviens? Sur les gradins, à Orange. Ah, Orange. Le plus vieux théâtre antique, la plus belle des femmes et le plus important des oui. C'est le boulot? Oui, un dossier qui traîne. Excuse-moi, je l'éteins. Voilà. Tu sais, c'est toi qui comptes. Si tu te sens prête à chanter de nouveau la Traviata, je te soutiens. Mais promets-moi seulement de faire attention. Je te le promets. La nuit, les soldats, ils sont partis la nuit. Les soldats. Parce que c'est la nuit que les voyous reviennent. Mais comment tu sais qu'on est tous historiens, Juliette? C'est encore vous, ça, monsieur le tonton que le vent de fleurs. Ah non, là, j'y suis pour rien. C'est la factrice qui me l'a dit. Bon, moi, j'avance avec Lucien, sinon on n'est pas rendu, hein, vu l'état dans lequel il est. Bonne nuit, vent de fleurs. Bon courage, mon oncle. Attends, non. Georges, c'est pas là, la poubelle, c'est derrière. Ah mince, mais excuse-moi, mais c'est où? T'as qu'à la rentrée, je la sortirai demain matin. Tu restes ici cette nuit? si ça te dérange pas, oui. Non, pas du tout. Dans ce cas, ça t'embête pas si je raccompagne nos charmants voisins? Tu peux finir de fermer? Mais bien sûr, aucun problème. Je te laisse les clés. Merci, hein. Bon, je ferme et je te rejoins. Bonsoir, messieurs. Entrez bien. Bonsoir, Georges. C'est pratique pour le boulot d'habiter la rue. C'est sûr. Justement, en parlant de ça, vous avez dû remarquer que mon serveur m'a planté ce soir. Il semblerait que ce soit définitif. Je voulais mettre une annonce demain, mais comme j'ai entendu dire que... Enfin... Qu'on était dans la merde. Voilà. Je me suis demandé si le boulot pouvait intéresser l'un d'entre vous. Entendu dire ? C'est encore la factrice ? Non, c'est Sophia. C'est donc impossible d'avoir un peu d'intimité ici. Oui, certains quartiers de Paris sont comme des petites villes. J'aime bien, moi. Moi aussi, je trouve ça génial. Tu finiras par t'y faire, Marc. En tout cas, je te déconseille de prendre Lucien. Il va te vider tout ton stock, il est capable de couler le resto. C'est ce que je vois. Marc, ça peut t'intéresser, toi, ce job ? Non, j'ai déjà un plan. Ah bon ? Ben vas-y, toi, Mathias. S'il vous plaît, ça me dépannerait vraiment. Et j'offre le repas de midi. Bon, d'accord. Avec plaisir, même. En tout cas, j'en viens pas que le mari de Sophia nous ait pas reconnus. Tu te rends compte, ce mépris ? Pourquoi tu as menti en disant à Juliette que tu ne pouvais pas prendre la place ? Ben parce que c'est vrai. C'est faux. Tu n'as pas de plan. Alors explique-moi, pourquoi tu n'as pas pris le boulot ? C'est le premier qui voit qui prend, c'est tout. Le premier qui voit quoi ? Arrête, tu crois que j'ai pas vu comment tu l'as regardé toute la soirée ? Non mais je rêve. Ne me dis pas que tu es jaloux. Tu crois que je drague Juliette ? Hé hey, les gars, attends. Je rêve, non mais alors c'est du ridicule top niveau, catégorie mondiale. Oh ça va, tais-toi Mathias. Oh, il est où Lucien ? Hein ? Mais c'est vous qui... Vous ne l'avez pas laissé dans les poubelles ? Mais non... Il se relevait quand on est arrivé. Merde, non. Il a raison, je crois qu'on l'a laissé dehors. Mais c'est pas vrai, il est resté dans le jardin. Marc, viens m'aider. Oh, mais quand on n'est pas capable de monter trois pauvres marches après avoir bu, ben on boit pas. C'est pas moi, c'est les pichets. Ils étaient trop nombreux. Oh, vous faites une belle toile comme ça. Saint Luc, Saint Marc et Saint Matthieu, les trois évangélistes agrippés les uns aux autres et abordant l'impossible ascension. Oh là là, bon sang. Pourquoi on a installé Lucien au troisième étage ? Je te rappelle que c'était ton idée. Allez, allez là ! Je fonce au tonneau, à tout à l'heure. Tu veux pas un petit café ? Non, j'ai pas le temps, je suis à la bourre. Bah voyons. Et qui c'est qui va se taper la tranchère bouchée tout seul ? Avec l'autre ivrogne là-haut ? À la bourre dès le premier jour. Magnifique. Heureusement que le tonneau est de l'autre côté de la rue. Voilà. Et là, tu mets les commandes. Ok, j'ai compris. C'est pas très difficile. Je me doute bien que quand on a fait des études, un job de serveur n'est pas le rêve, mais en attendant... Ah non, non. Non, je disais pas ça pour ça. Je sais. Viens, je te montre comment dresser les tables pour le service de midi. Moi, j'ai jamais rien étudié. Ben, quand même. Le piano. Tu joues très bien. Ah, le piano, c'est autre chose. Non, comme ça, les verres, tu décales. Mon grand-père était fermier et mélomane. Il s'y connaissait à merveille en betteraves, en pommes de terre et en musique. Pendant 15 ans, il m'a forcé à suivre des cours de musique. C'était une idée fixe, il était tellement fier. Mais quand je suis venue à Paris, j'ai dû gagner ma vie. Je n'avais plus le temps ni l'instrument et c'en a été fini du piano. Et puis mon grand-père est mort et il m'a laissé un gros capital avec une condition impérative pour que je touche son argent. Je devais reprendre le piano. Ah oui, alors là, c'est vraiment ce qui s'appelle une idée fixe. Plus par là, les couteaux. Bien sûr, le notaire m'a dit que la condition n'était pas valable aux yeux de la loi, mais j'ai voulu respecter sa volonté. J'ai acheté la maison, le restaurant et un piano. C'est beau comme histoire. Je comprends maintenant pourquoi il y a souvent des betteraves au menu. Eh oui, je fais une soupe de betteraves à tomber. Invite les garçons à midi, je vous ferai goûter. Un jeudi, comme ça Sophia sera là aussi. Elle vient toutes les semaines. Tiens, c'est lui le fameux client à la fourchette et aux chips. Tu verras, tu vas pas t'ennuyer ici. Bonjour, monsieur Forzé. Bonjour. Ça va, les garçons? Vous n'en avez pas marre d'attendre, hein? Ça va, Juliette, t'inquiète pas. C'est pas comme si on était pressé parce qu'on avait un vrai boulot, pas vrai, Lucien? Une demi-heure de retard, quand même. C'est bizarre que Sophia ne soit pas encore là. Elle n'est jamais en retard, d'habitude. Vous voulez boire quelque chose en attendant? Ah, bah pourquoi pas. Mathias! Lucien, je t'interdis même d'y penser. Salut tout le monde! Salut. Mon petit Saint-Mathieu, je vais m'occuper de la 2. Offre à tes amis de quoi attendre, hein, c'est pour moi. Alors, ne m'appelle pas comme ça, Juliette, je t'ai déjà dit. Mais c'est de votre faute, ça vous va tellement bien. Bonjour, messieurs, dames. Alors? Je parie que ça vous fait drôle de me voir bosser. Tout ne tourne pas autour de toi, Mathias. Qu'est-ce qu'il a? Marc est de mauvaise humeur, sa diva est en retard. Ah, tu es jaloux ou tu as peur que ta soupe ne refroidisse? Si tu veux, on s'occupe du mari, hein. Ah ouais, ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de trancher. Ah, très malin. Ou c'est peut-être le fait que Juliette appelle Mathias Saint-Mathieu qui l'agace? Pas du tout. Mais reconnais quand même que c'est horripilant. Saint-Mathieu, Saint-Marc, je t'en donnerai, moi, des évangélistes. Dès que le tonton que le trouve un truc pour nous pourrir la vie, faut que ça fasse le tour du quartier. Et surtout qu'à rester ici tous les jours avec la belle Juliette, on peut décemment se demander si Saint-Mathieu va rester saint. N'importe quoi, tu vas pas t'y mettre toi aussi, Lucien. Oui, bah, excuse-moi, mais je trouve pas ça très malin de désirer la première voisine venue quand on est dans la merde, voilà. Dis donc, tu craches pas dans les plats que je rapporte du resto, que je sache. Bon, allez, ça suffit, je me tire. Je passerai le bonjour à Sophia pour moi. Mais merde, à la fin, c'est lui qui a refusé le job. Moi, je m'en fiche complètement de Juliette, là. Tu sais ce qui a précipité le Moyen-Âge dans sa chute? Non. La peur. La peur. Et il semblerait que notre petit Saint-Marc n'échappe pas à la règle. C'est bon, Juliette, j'ai fait la caisse, le compte est bon. Mathias. Dis-moi, je me demandais, est-ce que tu crois que ce serait possible que je vienne chez vous ce soir? Je voudrais parler au tonton Klein. Pourquoi tu me demandes ça? C'est un peu délicat. Comment ça, délicat? Je crois que Sophia a disparu. C'était « Debout les morts » de Fred Vargas, dans une adaptation de Claire Leluerne. Deuxième épisode. Avec Nathalie Dessay, Sophia, François Lauriquet, Pierre, Manuel Valade, Marc, Duncan Evenou, Mathias, Emmanuel Suarez, Lucien, Patrick Zimmermann, Van Dossler, Edith Baldi, Juliette, Serge Tranvoise, Georges. Et les voix de Joséphine Serre, Laetitia Hipp, Michel Baladi, Phil Bouvard, Xavier Xapla et Pierre Carbonnier. Accompagnement piano, Stéphane Petitjean. Bruitage, Bertrand Amiel. Musique originale, Dominique Massa. Conseillère littéraire, Emmanuelle Chevrière. Prise de son, montage et mixage, Claude Niort, Pierre Henry. Assistant à la réalisation, Vivien Demeyer. Réalisation, Sophie Haute-Picon. Debout les morts, de Fred Vargas, est publié aux éditions Viviane Amis.